On va parler avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut! Marc, évidemment, il y a une nouvelle qui est tombée. Je viens juste de la voir. Le match entre les Cards de Saint-Louis et les Brewers de Milwaukee est annulé. On pense évidemment qu'il y a des cas de COVID. Je pense que c'est chez les Cards. Ça s'ajoute aux Marlins de la Floride. Ça s'ajoute aux cas des Phillies de Philadelphie. Est-ce que la mauvaise décision, dans le fond, parce que tu regardes la NHL, tu regardes la NBA, il n'y a pas de cas de COVID, est-ce que ça aurait été finalement l'erreur, ça a pas été qu'on a fait ça dans une bulle, ou deux bulles, ou trois Bon, bulles? écoute, c'est sûr que, tu sais, à la fin de tout ça, là, que ce soit le hockey, le basket, la MLS, le baseball majeur, tu sais, on va pouvoir vraiment dire quelle était la meilleure solution. Tu sais, je suis pas prêt à dire qu'elle est encore nécessairement une meilleure que d'autres. Évidemment, avec ce qui s'est passé avec les Marlins, on comprendra qu'il faudrait pas que ça se répète trop longtemps. Dans le cas des Cards, ça mentionnait, c'est un joueur, là, bon, qui a testé positif. On attend quand même parce que, bon, on veut pas un autre cas comme les Marlins. Donc c'est pour ça que là, on agit autrement. Donc on annule le match. C'est pour ça qu'on a réglé les programmes doubles qui vont maintenant être deux matchs de 7 manches, parce qu'il risque d'avoir pas mal de programmes doubles au cours de l'été. Fait qu'on essaie de trouver des solutions, mais on s'entend pour dire qu'il n'y a pas de façon parfaite dans une pandémie de la sorte, là, de faire du sport. Alors, mais on tente d'être le plus prudent possible. Mais c'est évident que on pourra pas avoir 3, 4 équipes avec 15, 17 joueurs comme à peu près les Marlins l'ont été. Ça affecte évidemment là, tout le reste du baseball, là. Est-ce que tu penses que ce qui va arriver avec les Marlins, c'est ce qu'on va faire jouer les joueurs des ligues mineures? Ben, c'est parce qu'il y a quand même un alignement de 60 joueurs, mais Ouais. est-ce que tu penses Ben, c'est que ce qui va arriver. Ouais, absolument. Écoute, même les Marlins sont en train là, d'essayer d'embaucher un paquet de joueurs à gauche, à droite. Donc, c'est évident qu'ils vont être obligés de jouer. Puis, si les joueurs qui ont testé positif sont asymptomatiques, ben évidemment, d'ici une couple de semaines, ils vont pouvoir être de retour. Si, évidemment, ils testent négatif au moins à deux tests de suite. Fait que c'est pour une période X. Mais tu sais, c'est pas évident. Les Marlins vont présenter un club de toute évidence qui sera pas nécessairement à leur hauteur, mais là, ça fait partie des ça fait partie malheureusement d'une année 2020 qui est tout sauf normale. Mais je pense que quelque part, on n'annulera pas la saison et on a trop mis d'argent, trop mis d'efforts pour. On va la terminer coûte que coûte, là. Bah ben, écoute, c'est sûr qu'on va être patient, mais comme j'ai dit tantôt, si tu te retrouves avec 2, 3, 4, 5 équipes avec des cas comme ça, puis que là, tu es obligé, tu sais, je sais pas jusqu'à où on va être patient, mais dans le cas des Cards, il y a personne qui panique. On annule le match, évidemment, parce que là, s'il y en a un qui teste positif aujourd'hui, il faut vraiment. Est-ce que c'est un faux positif, parce qu'il y a eu des cas comme ça, il y a un paquet de choses, mais on court aucun risque. Parce que si c'est arrivé, puis il n'y avait pas le cas des Marlins, on n'aurait pas annulé le match. On aurait mis le joueur en quarantaine, on aurait attendu, puis bon. Mais là, avec ce qui est arrivé avec les Marlins, ben tôt en saison, c'est que là, on a changé nos façons de procéder. Puis je pense que c'est la meilleure chose à faire. OK. Les Blue Jays, j'ai regardé le match de mercredi, c'était un in-person au Monticule. Écoute, ce gars-là, on sait qu'il y a de l'étoffe d'un excellent lanceur partant. Mais moi, c'est sûr que c'est un match, là, mais il a prouvé hors de tout doute que ce gars-là peut être un gars de au minimum un deuxième lanceur dans une rotation de 5. Ben, écoute, c'est pas pour rien que c'était un des joueurs les plus, tu sais, les joueurs d'avenir les plus importants du baseball. Moi, ce que j'aime souvent d'un lanceur, c'est dans son langage corporel, sa façon de se tenir au monticule. Puis là, tu vois que lui, il dégage une confiance. Et lorsqu'il a développé cette glissante-là, wow, écoute, ça, tu sais, parce que aujourd'hui, lancer 98 000 à l'heure, c'est impressionnant. Ça va se faire retirer du monde, mais tu as besoin de d'autres choses. Tu peux pas juste te fier à ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que j'ai vu. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent aussi qu'ils ont peur pour le Tommy John éventuellement, quand tu lances aussi fort, bon, pour être un lanceur partant. Ouais, mais tu sais, je regarde les Jacob deGrom, je regarde les gars, tu sais, c'est pas. Je trouve qu'il y a une belle mécanique, il y a pas, tu sais, c'est pas saccadé, c'est pas forcé. Alors, moi, j'ai confiance que ça puisse bien aller pour Nate Pearson, mais les Blue Jays se retrouvent effectivement avec un as lanceur. On va lui donner le temps de maturer, là, tu sais, mais on a un potentiel énorme entre les mains. OK. Russell Martin. Écoute, apparemment qu'il y a beaucoup d'intérêt pour dans le cas de Russell. Russell qui veut jouer à quelque part avec une équipe gagnante. Pas surpris, moi. Ce gars-là, écoute, défensivement, comme receveur, c'est un excellent. Comme deuxième receveur, il peut très bien guider les jeunes lanceurs. Peut jouer pratiquement à toutes les positions également. C'est son coup de bâton, mais comme réserviste, Russell peut rendre des services encore par le fait qu'il dirige bien les lanceurs, les jeunes lanceurs, et par le fait qu'il est capable de jouer à plusieurs positions. T'sais, les choses n'ont pas changé pour Russell. Depuis le camp d'entraînement, c'est un gars qui se garde en très bonne condition physique. Il a reçu des appels au mois de mars. Il reçoit des appels actuellement. Mais il est encore en mode « je regarde, j'attends, je veux voir ». Sans pas presser, il veut que ce soit sa propre décision. Fait que il se peut qu'on entende parler de Russell dans les prochaines semaines, mais il n'y a pas d'urgence. Alors, je sais que tu regardes les équipes comme par exemple, je sais pas, les Giants qui ont besoin d'aide comme receveur, mais tu sais, c'est sûr qu'ils ne se retrouveront pas avec une équipe comme les Giants, à moins que les Giants aient une fiche de 35 victoires puis 10 défaites, là, mais est-ce qu'on doute? Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas de Russell, absolument rien n'a changé dans son esprit, dans son attitude. Pas oublier que lui aussi, il a deux très jeunes enfants. Il est ici au Québec présentement, puis il va attendre de voir, évidemment... C'est probablement, connaissant Russell, il y a une petite liste, une courte liste d'équipes. Puis si ces équipes-là se manifestent, ben ça peut aller un petit peu plus rapidement. Sinon, ben ça peut aller un petit peu plus lentement. OK. Les Blue Jays, ils ont perdu également Ken Giles, le releveur numéro 1. Ça fait mal, hein, parce que les Jays ont quand même une rotation respectable. C'est pas la meilleure du baseball majeur. Je qualifierais probablement dans le milieu. Mais c'est en relève que ça fait qu'il manque de profondeur. Puis là, la blessure de Giles fait mal. Là. Quand tu perds ton releveur numéro 1, là, oh my God! Ouais, ben c'est pas évident, mais ce que j'ai aimé des Jays au cours des 18 derniers mois, là, c'est qu'ils en ont signé des lanceurs. Puis ils en ont, tu sais, puis ils en ont. Alors, il y a une couple de gars là-dedans qui ont des bons bras. Je dis pas que c'est la fin du monde que Giles soit absent, mais moi je pense que les Jays sont pas si mal pris que ça à ce niveau-là. Il y a des bras là-dedans. Puis tu sais, tu as parlé de la rotation des partants. Moi, je la qualifierais de professionnelle. C'est que tu vas avoir probablement des départs de qualité correcte. De temps en temps, tu vas avoir évidemment un départ extraordinaire d'un de ces gars-là. L'attaque doit produire un peu plus parce que tu regardes... Bon, hier, évidemment, là, Ryu a accordé 5 points, là, mais outre ça, là, tu regardes ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Bon, tu vas me dire que l'échantillon n'est pas énorme, mais les Jays n'accordent pas beaucoup de points, là. Non. Donc, si l'attaque se met en branle, en marche moindrement, bon, le retour de Bichette a fait du bien, là, de deux gros coups sur hier, mais tu vois que c'est un petit peu fragile, mais il y a un potentiel du côté des Blue Jays de Toronto, puis c'est une équipe agréable à regarder, ça, c'est clair. La dernière fois qu'on s'est parlé, Marc, en fin d'après-midi, on a enregistré le podcast le matin, en fin d'après-midi, les Jays ont annoncé que Vladimir Guerrero allait jouer au premier but et comme frappeur de choix. Écoute, on savait que ça s'en venait vers là, mais moi, j'ai été très, très surpris parce que je m'attendais que... Tu sais, il y a un jeune qui s'appelle Jordan Grosjean qui est dans le 3A, qui va très très bien. Ben, pas dans le 3A, mais qui est dans les majeurs, qui est vu comme un très gros prospect. Moi, je m'aurais attendu qu'il aurait toffé jusqu'au temps que Grosjean arrive dans les majeurs, puis qu'il s'en allait au premier but. Tu sais, t'es surpris de ça, que ça allait aussi vite? Ben, moi, je suis, oui, surpris. Surtout, je sais pas si c'est le mot déçu, mais tu sais, tu t'en vas au premier but parce qu'on te trouve pas assez agile à jouer au troisième. À l'âge que t'as, je trouve ça inquiétant, tu sais, dans le sens que moi, je compare ça un petit peu à Prince Fielder, parce que, tu sais, là, la prochaine étape, c'est frappeur de choix. Tu vas être un frappeur de choix à l'âge de 23 ans, 24 ans, tu sais, j'aime pas ça, là, tu sais, j'aime pas ça, ce que je vois de ce côté-là, puis je pense que les Blue Jays n'ont pas eu le choix, là, tu sais, puis honnêtement, à force de frapper les roulants, à force de voir son jeu de pied au troisième, on s'est dit, c'est bon, mais c'est pas ce qu'on a besoin dans le baseball majeur, surtout pas dans la division S de la Ligue américaine. Là, on est au premier but, puis tu sais, jouer au premier but, là, c'est énormément de responsabilité. Puis déjà, on a vu des petites choses. Ça a peut-être coûté même un match déjà aux Blue Jays. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un match où, face aux Rays, on avait une défense adaptée. Écoute, Biggio jouait pratiquement derrière Vlad, et Vlad plonge à sa droite. Bon, le lanceur est à sa faute aussi parce qu'il n'a pas couvert le premier but assez rapidement, mais Biggio attendait la balle derrière, puis le match aurait été terminé sur ce jeu-là. Là, évidemment, en ne faisant pas le complétant pas le jeu, le match est poursuivi, puis les Rays ont gagné un match supplémentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une adaptation au jouer au premier but. Tu peux pas gober ça du jour au lendemain, même si tu étais joueur de troisième but. Fait que cette adaptation-là peut parfois coûter des jeux importants, slash coûter des matchs aussi des victoires. Donc, c'est un risque que les Blue Jays ont pris. Mais il faut vraiment trouver une solution pour que Vladimir garde une forme physique, c'est-à-dire un poids. Il, c'est un gars qui est relativement en forme, mais c'est son poids. Il y a un problème ben, un de garder comme, un poids comme, santé. Marc, Vladimir Guerrero père, là, s'il s'aurait tenu en forme, il aurait pu jouer jusqu'à 40 ans. C'est, un gars c'est de... ce que plusieurs mentionnent, là, tout à fait. Écoute, il y avait peut-être eu un petit manque de discipline. Oui, oui, ouais, t'as raison. T'as bien raison, Vlad... peut-être pas celui là qui était le plus souvent dans le gym, mais ça reste que bon, il y avait quand même une carte. Tu sais, je veux dire, quand il est arrivé, c'était un gars slim, c'est un gars rapide, c'est un gars ci, c'est un gars ça. Dans le cas de Fiston, bon, OK, c'est correct, on est capable de vivre avec ça, mais il faut, je pense, mettre les efforts nécessaires. Puis parfois, ben, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas que. Tu sais, j'imagine que les Blue Jays sont derrière lui puis qu'ils essaient de le guider dans ça, mais ça reste la décision finale, la façon dont tu te comportes, c'est le joueur. Oui. Parce qu'il y a eu des joueurs, justement, que cette, oui, il y a eu des joueurs, des gros joueurs, mais je pense entre autres à Pablo Sandoval, est un autre, qui aurait pu connaître une bien meilleure carrière que ça s'il n'y aurait pas eu le poids, tu sais. Oui, puis tu pourrais probablement nommer un paquet de joueurs qui ont dit, grâce justement à leur forme physique, ils ont réussi, comme tu avec Vladimir Père, de... c'est d'étirer leur carrière pendant 3, 4, 5 ans en raison d'une forme physique incroyable. Alors, c'est clair que, tu sais, il faut pas se le cacher, là, c'est un défi pour les Blue Jays, c'est un défi pour Vlad Junior de rester avec un poids santé qui va lui permettre d'être beaucoup plus habile, agile dans ces choses, parce que, tu sais, je veux dire, il est tout jeune. C'est pas un gars de 28, 30 qui a déjà un 5, 6 années derrière la cravate, là, c'est... Alors, il faut vraiment être prudent dans le cas de Vlad Junior. Là. On s'en reparle, Marc, bientôt. Bon baseball, là, tu dois être content vraiment de recommencer. Là. Même si c'est pas pareil, on dira ce qu'on voudra, c'est pas pareil du tout, là, mais c'est quand même du baseball pareil. Ben c'est pas pareil, mais tu sais, moi, j'haïs pas ce que je vois depuis le début de l'année. Je trouve qu'on nous offre quand même un très, très bon spectacle. Puis avec les nouveaux règlements, ben tu sais, ça fait jaser. Fait que, on a du fun, on espère. C'est fragile, par contre, on se l'est dit, c'est encore fragile, mais on espère que ça va poursuivre pour le reste de la saison. Marc, je te souhaite une belle fin de semaine, on s'en reparle bientôt. Très gentil, merci. Marc Griffin.